Bonjour à tous chers amis, bienvenue à Entrepod, l'émission de FrenchPod consacrée à la culture française et à la culture francophone. Alors après deux émissions consacrées à la capitale, à Paris, nous allons maintenant retourner en province. Et c'est pour ça que j'ai ici dans le studio avec moi un très bon ami. Je vous présente Romain. Bonjour. Bonjour Romain, comment tu vas ? Bah, moi ça va, je vais très bien. C'est la première fois que tu viens dans un studio d'enregistrement ? Non, c'est pas la première fois, j'ai mon frère qui fait de la musique et donc je me suis retrouvé dans des studios bien plus gros que ça quoi. Et toi, t'as participé au groupe de musique ? Non, j'ai participé, j'étais derrière la vitre en fait. D'accord. Voilà. Là t'es vraiment au cœur de l'action. Voilà, exactement. T'as ton micro, tes écouteurs. C'est parfait. Et alors toi, tu vas nous parler de ta région, donc tu viens d'où ? Voilà, je viens de la Bourgogne. Pour moi, la plus belle région de France. J'y suis très, très attaché. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont fiers de leur région. Voilà, donc voilà, c'est vrai que c'est une très belle région qui se situe finalement entre Paris et Lyon. Donc, il y a un bel axe autoroutier qui permet de joindre Paris à Dijon et de Dijon à Lyon. D'accord. Tous les gens qui vont de Paris à Lyon passent par Dijon. Voilà. Et alors donc, quelles sont les villes principales ? Donc en fait, c'est assez simple. La Bourgogne est composée de 4 départements. Ouais. Donc le premier département qui se situe au nord et qui se situe finalement à la limite avec la région parisienne s'appelle Lyon, avec comme chef-lieu Auxerre. D'accord. Qui ne connaît pas Auxerre pour son club de foot, la J-Auxerre. Hein ? Donc le deuxième département, la Nièvre, qu'on retrouve à l'ouest avec comme chef-lieu Nevers. À l'est de celui-ci et donc à l'est de la Bourgogne, on a la Côte d'Or. Ça, c'est mon département avec D'accord. comme chef-lieu Dijon. Ta ville. Dijon, ma ville, ma super ville, ma belle ville, mon petit amour, mon petit paradis. Et donc on a au sud, donc à la limite avec la région lyonnaise, on a la Saône-et-Loire avec comme chef-lieu Chalon-sur-Saône. Donc ici, c'est généralement le cas des gens qui viennent sur Entrepod. Ils parlent surtout de leur ville et de leur département. Donc on peut s'attendre à ce que tu parles plus de Dijon. Oui, exactement. Bon, je vais parler certes de Dijon, mais bon, il y a pas mal de choses, principalement dans la gastronomie, que l'on peut trouver finalement dans d'autres villes. Donc il y a peut-être quelques petites phrases qui seront destinées aux autres villes. Ok, d'accord. D'abord, on va se renseigner, savoir si quel temps il fait généralement en Côte d'Or, en Bourgogne. En Côte d'Or et en Bourgogne, il fait toujours beau. Il y a un microclimat. Non. Honnêtement, bon, on est en France. En France, on a... C'est surtout, le centre de la surtout, France. Hein. Centre-Est, on parlera plus de Centre-Est. On a un climat qui est finalement très tempéré, avec les 4 saisons, hiver, printemps, été et automne. C'est marqué, les saisons sont bien différentes. C'est très, très marqué. Donc, avec en hiver de la neige. Ouais. Donc, c'est super beau. J'habite en plus à la campagne. On peut voir de temps en temps les lapins sauter dans la neige. C'est rigolo. Avec un printemps qui est fantastique parce qu'il est tout plein de couleurs, les arbres commencent à récupérer leurs feuilles, tout s'épanouit, la nature revit et là on voit plus que des lapins dans la nature, on voit tout un tas d'animaux. Oui. C'est très agréable et la chaleur commence à revenir, ce qui finalement nous permet de pouvoir nous rejoindre sur les terrasses de café pour aller boire un verre ou un café. Voilà. Parce que donc, c'est vrai qu'au début, tu as cité donc, les 4 départements avec les villes principales, voilà. Mais ça reste des petites villes quand même. Voilà, bon, Dijon, c'est, avec son agglomération, c'est 300 000 habitants. Après, les autres villes, on a Nevers qui doit faire 20 000, Auxerre qui doit faire à peu près pareil et Chalon qui doit être à peu près pareil. Donc, c'est des villes qui finalement sont assez petites, ouais, en dehors de l'agglomération dijonnaise. Donc, il y a une campagne, il y a pas mal d'espace pour la campagne. Ah oui, on a des champs, ouais. On a des forêts. Ouais, on a une côte qui s'appelle donc la Côte d'Or, mon département s'appelle la Côte d'Or, elle commence en fait en Côte d'Or et elle finit en Saône-et-Loire, cette côte qui doit monter à 500 mètres d'altitude. Donc une côte ici, quand tu dis côte, c'est pas une côte par rapport à la mer, c'est une côte pour dire une colline, voilà, ou c'est, une montagne. Voilà, c'est une colline de plusieurs centaines de kilomètres. Ah quand même, ouais. Voilà, sur laquelle poussent les vignes. Et qui est finalement un super endroit sur lequel aller faire un peu de balade à pied, aller faire des balades en moto. Il y a des beaux virages. Enfin, c'est joli, quoi. Et donc, tu parles de cette colline parce que c'est pas montagne du tout, en fait, cette région. C'est plutôt plat ou c'est justement avec des collines comme... On a les deux. On a les deux, si tu veux. On a une partie qui est colline et assez vallonnée, qui s'appelle dans mon département la région de l'Auxois. Ouais. Donc c'est une partie de mon département dans lequel tu trouves des châteaux avec énormément de nature, des champs, là où il neige le plus pendant l'année. C'est un super endroit. Par contre, il y a rien d'autre que la nature. Et il y a l'autre partie, de l'autre côté de Dijon finalement, ouais, où là, on se retrouve dans une plaine, c'est tout plat. Tu as beaucoup de champs, Rien de semblable avec la côte. Et là, on a la côte qui part de Dijon et qui redescend vers Chalon-sur-Saône, où là, on a donc la ville de Dijon qui est juste au départ de la côte. Ouais. Ça part ensuite direction le sud, et là, on se retrouve avec tous les vignobles de la région Bourgogne. Beaucoup de pinards, beaucoup de vin. Donc pinard, ça veut dire, c'est un autre mot français. Ben, du pinard, je connais pas un seul français aimant le vin qui n'utilise pas le mot pinard pour parler de son vin. Voilà, donc ça veut dire du vin. Voilà, compris. Tout à fait. Et donc, généralement, quand on parle ici à Entrepod d'une région, on parle de la gastronomie. Ici, avant de parler des plats, on va d'abord parler du vin. Ah. Parce que la Bourgogne... C'est génial. Bon, on a déjà eu un entrepôt consacré à Bordeaux et la région bordelaise, mais pour moi, la Bourgogne est l'autre grande région des vins en France. J'adore ces vins de Bourgogne. Ah oui, on a du très très bon vin en Bourgogne. D'ailleurs, on parle du vin de Bourgogne. Donc on a trois principaux vins qui sont finalement le rouge, le blanc et le rosé. Ouais. Les deux vins les plus connus finalement dans la région de Bourgogne sont le rouge. Avec le Sud Côte d'Or, Nord, Saône-et-Loire. Ouais. Donc là, on a des vins rouges surtout le Côte de Beaune, on a le Marsannay-la-Côte, on a le Nuit-Saint-Georges, on a des super vins. Ouais. Après, quand on redescend un peu plus, direction le Rhône, là où on trouvera le Côte du Rhône, mais on est en train de parler d'une autre région, donc je n'en parlerai pas plus. On se retrouve avec des vins qui sont beaucoup plus rosés, beaucoup plus blancs, comme par exemple le Pouilly-Fussé. Le Pouilly-Fussé qui est un vin blanc, qui est un vin qui accompagne très très bien les poissons, et qui n'est pas sucré. D'accord. Voilà, qui est très sec finalement. Voilà. Et qui sont quand même, faut le dire, des vins d'une grande qualité. Donc pas, je vais pas dire pas bon marché, mais bon, faut déjà mettre un prix minimum, non, pour les acheter. Ils sont pas très bon marché. Ça va dépendre un peu des années. Si je prends aujourd'hui un Pommard, donc là je suis en train de parler d'un vin rouge. Toujours en Bourgogne. Hein. Toujours en Côte d'Or. Là on est dans le Sud Côte d'Or, entre Gevrey-Chambertin et Nuit-Saint-Georges, Sud Côte d'Or. Un Pommard 90 sera vendu deux fois moins cher qu'un Pommard 88 parce que l'année 88 a été une région exceptionnelle. D'accord. Et aujourd'hui, pourquoi je parle du Pommard, tout simplement parce que le meilleur vin que j'ai bu dans ma vie, ouais, ça a été un Pommard 88. J'ai acheté cette bouteille, elle a été très bonne. Je me suis renseigné sur les prix, elle est deux fois plus chère qu'un Pommard 90. Deux années, qui s'achètent très cher. On a des vins qui peuvent tourner à plusieurs milliers d'euros la bouteille. On a des vins qui peuvent tourner à plusieurs euros. On peut encore trouver des petits vins aussi qui sont à 2-3 euros. Si on parle de l'opération commerciale Le Beaujolais Nouveau, qui a été une opération commerciale destinée initialement pour le marché japonais et qui finalement fonctionne, là on a un vin qui se vend assez cher, ouais, à l'étranger, mais qui est un vin finalement qui est moyen pour les Français. Ouais. Et le Beaujolais, ça vient de Bourgogne aussi ? Tout à fait. Ah, donc on a l'origine du Beaujolais Nouveau. Voilà, ici. Voilà, on est à l'origine du Beaujolais Nouveau. Voilà, d'accord, c'est la Bourgogne, Sud-Bourgogne, on est plutôt en Saône-et-Loire. Ok. Voilà. Et oui, voilà Romain. Ah, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui aime autant sa région et qui la défend. Alors Romain, il a encore beaucoup de choses à nous dire concernant la Bourgogne. C'est pourquoi nous allons nous retrouver tous ensemble dans 15 jours pour un autre podcast consacré à cette région. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute sur FrenchPod, bien sûr. Merci à tous. Au revoir. I want you to